بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. الإيمان c'est un bienfait par lequel Allah عز وجل il a parachevé pour nous sa religion. الإيمان c'est un énorme bienfait. Celui qui l'aura préservé aura réussi dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. الإيمان الإقرار بالجنان التصديق باللسان عمل بالأركان يزود بالطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان وقد ينقض. Celui qui ramène ces cinq piliers-là aura amené la définition de la foi selon le kitab et la sunna. معرفة حقيقة الإيمان. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. Lorsqu'il lui a été dit qu'une personne dit que l'Iman c'est le asl et que l'amal c'est une chose en plus, si jamais tu le délaisses, tu seras toujours un mu'min. On peut le voir, ça fait partie du kufr. Comme l'a dit l'imam al-Tustari, هذا كفر قول بلا عمل كفر. Ensuite, ce questionnaire, il a dit, cette personne qui dit cela a pris comme argument des paroles de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa Ibn al-Rajab, ceci, cela, il a dit, هذا كذب. قال من قال هذا؟ قال هذا كذاب. Celui qui dit ça, c'est un menteur. Ils l'ont dit, c'est Sheikh Rabi'. Il a dit, هذا كذب. هذا كذاب. من هو؟ هذا شيخ واحد أحسن الله إليك اسمه ربيع المدخلي. لا هذا كذب. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم معرفة حقيقة الإيمان أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. هذه النصوص، هذه الآيات والأحاديث، ça c'est les preuves المحكمات qui n'ont pas d'ambiguïté. Dans chacun des mu'mines et des mu'mines lorsqu'ils rentrent dans le bab al-iman ils doivent s'accrocher. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال ابن عمر رضي الله عنه وإن رآها الناس حسن أما بعد إن خير ما نفتتح به الكلام في بعد هذه الخطبة الطيبة المباركة خطبة الحاجة لهو حمد الله سبحانه وتعالى وشكره على نعمه La meilleure des choses, ayyuha l'ikhwat al-karam, par lesquelles nous puissions débuter cette conférence dans laquelle on demande à Allah azawajal at-tawfiq wa sadad fi al-qasd wa al-qawl, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et de le louer abondamment pour les multiples bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous octroie jour et nuit. Qala jalla wa ala washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun wa qala jalla wa ala wa qul alhamdulillah. Dans ces deux versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il exhorte fortement ses serviteurs à ce qu'ils fassent part de reconnaissance, en lui remerciant et en lui vouant exclusivement la louange. Wa qul alhamdulillah. Dis louange à Allah subhanahu wa ta'ala et proclame ce dicton qui est l'emblème des salafiyin, les véritables reconnaissants parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma, alhamdu أو الحمد لله كلمة كل شاكرين. ابن عباس رضي الله عنه il nous dit que remercier Allah subhanahu wa ta'ala c'est le dicton de tous les reconnaissants. أيها الإخوة الكرام الحفاظ على نعم الله سبحانه وتعالى من أهم ما ينبغي للمسلم والمؤمن أن يعتني به في أيامه ولياله. Prendre le soin تمام des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne fait partie des chose les plus importantes dont il incombe à chacun d'entre nous, musulmans ou musulmans, de prêter fortement une préoccupation. Car lorsque le bienfait n'est pas conservé la personne ne prend pas soin de ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui donne, il peut être amené à disparaître et à faire place au malheur et au mal qui est l'opposé de la ni'mah. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kana yata'awwadh billahi subhanahu wa ta'ala min zawal an-ni'mah wa hulul an-niqmah kama qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min hadith ibn 'Umar radiyallahu anhuma 'inda al-imam Muslim annahu qala anna an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam qala اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. Dans ce hadith authentique rapporté par l'imam Muslim selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, ce compagnon nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam avait pour habitude de dire dans ses duas de prendre le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre la disparition des bienfaits d'Allah azza wa jal et les détournements de son pardon, et demander qu'Allah le refuge contre le prompt châtiment et la colère entière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est le meilleur des hommes, le meilleur des enseignants pour le muslim, dans ce hadith, il nous incite fortement à ce qu'on prenne le refuge auprès d'Allah azza wa jal contre la disparition des bienfaits. Pourquoi? Car sa disparition, comme on a pu l'évoquer, c'est un grand mal, c'est une calamité. Voici pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en est réfugié. Et dans l'islam ma'ruf, le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal, il n'est que pour les choses qui sont mal. A'udhu billahi min zawali ni'matik. Prendre le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de voir par ce biais-là, préserver ces bienfaits-là qu'ils disparaissent. Tout comme remercier Allah subhanahu wa ta'ala et dépenser ses bienfaits dans son obéissance, dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, faire apparaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ton être, sur ta, à travers ta langue, dans tes actes, Kazalika, c'est un acte et une préservation contre la disparition des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala jalla wa ala wa in tashkuruhu yardahu lakum. Si vous êtes reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala va agréer pour vous. Donc le fait qu'il agrée, ceci implique qu'il aura personnellement une conservation des bienfaits. Car Allah subhanahu wa ta'ala, s'il agrée, il te facilite dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Wa qala jalla wa ala wa ita'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Et lorsque ton Seigneur proclama, si jamais vous êtes reconnaissant, on vous rajoutera. Donc celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il amplifie sur lui ses bienfaits, car il a remercié Allah azza wa jal, il a certes par là préservé que ses bienfaits ils disparaissent. Car celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ajoute, il ne peut lui faire disparaître ses bienfaits qu'il lui a donnés. Et sachez, ayu al-ikhwatun karam, waffaqani Allah wa iyyakum, que ceux qui se sont égarés et qui ont changé en mal, ce n'est qu'à cause du fait qu'ils n'ont pas préservé les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Ou alors qu'ils l'ont troqué pour un bienfait de la vie d'ici-bas. Est-ce un manque de sincérité, de reconnaissance, d'un amour démesuré pour la présidence, le fait d'être montré du doigt, pointé du doigt, ou la renommée autre? Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Mais ce qui est certain, c'est que le bienfait intérieur, il a été perverti et troqué pour une autre chose. Wa dalilu qawluhu subhanahu wa ta'ala dhalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. C'est en effet qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qu'il y a en lui-même. Telle est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui connaît le secret même le plus caché. Donc les personnes auront bon nous dissimuler leur intention ou dire que leur intention est telle ou telle, si la personne modifie et se métamorphose en mal, c'est que il y a quelque chose qui a changé. Et quoi qu'il en soit, quelle qu'en soit ton intention, Allah subhanahu wa ta'ala il dévoilera ce que cache le mal de ces poitrines là. فَنَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِعِ الْعَلِيمِ مِنْ شَرِّ أَنْفُسِنَا ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أيها الإخوة الكرام, نعم, il fait partie de la conservation des bienfaits intérieurs ou apparents de citer et proclamer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, كما قال جل وعلا وأما بنعمتي وأما نعم بنعمتي ربك فحدث. Quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-les. فإن شاء الله سبحانه وتعالى حديثنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله النعمة التي سوف نتحدث عنها لَهُوَ نِعْمَةُ الْإِيمَانِ. Donc le bienfait dont on va essayer de se rappeler dans ces brefs instants est le bienfait de la foi. Le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse gratifier à son serviteur. Le plus grand bienfait par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé pour nous sa religion. Comme qala jalla wa ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. En ce jour, j'ai complété pour vous votre religion et parachevé sur vous mon bienfait et agréé pour vous l'islam. L'islam, comme c'est bien connu dans les kutub de l'aqidah, lorsqu'il est évoqué seul, il inclut kadhalika al-iman. Il inclut kadhalika al-iman. Et elle a dit la fi dhalika kathira wal aks tamaman. Lorsque l'iman il est évoqué seul, il englobe kadhalika al-islam. Et lorsqu'ils sont évoqués les deux en même temps, al-iman c'est pour l'a'amal al-batina wal-islam pour l'a'amal al-zahira ma'ruf. كما ذكر ذلك الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه حديث جبريل dans lequel il a expliqué le hadith de Jibril معروف. الإيمان c'est un bienfait par lequel Allah عز وجل il a parachevé pour nous sa religion. الإيمان c'est la religion du salut, du succès, de la félicité. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. Rawahu Muslim min hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu an aura réussi celui qui aura embrassé l'islam en se contentant du nécessaire et qui sera satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne et lui accorde. Fatouba liman hudiya ila al-islam wal iman kama qala Allah subhanahu wa ta'ala qad aflaha al-mu'minun. Certes ont réussi les croyants. Al-iman c'est un énorme bienfait. Celui qui l'aura préservé aura réussi dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Tandis que celui qui ne l'aura pas préservé ou bien perverti aura tout perdu dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et tels sont les véritables perdants. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, « وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. » Et quiconque me croit à la foi aura annulé ses actes et sera dans l'au-delà parmi les véritables perdants. الإيمان أيها الأخوة الكرام له الثمرة له فضائل. الإيمان il a ses vertus, il a ses faveurs, il a ses fruits. Lorsqu'il est réellement établi dans les cœurs des mu'mines, il donne apparence à cette halawa. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوات الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه وأن يحب المرء لا يحب إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. متفق عليه. Dans ce hadith là, le Nabi sallam il informe que cette foi là a ses douceurs, a ses délices. كذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم la foi lorsqu'elle est bien établie dans les cœurs, elle donne naissance à une vraie fraternité. Par cette fraternité là, المؤمنون يتعاونون فيما بينهم. Par cet iman qui est véritablement intégré dans leur cœur, c'est par cela que tu vois les mu'mines s'entraider. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les mu'mines kal bunyan. L'affaire des mu'mines, les uns envers les autres, est semblable à un édifice. Yashuddu ba'duhu ba'da. Chacun se serre les coudes. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasad idha ishtaka minhu عدو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. النبي صلى الله عليه وسلم il informe bien que lorsque cette foi là elle est intégrée et parfaitement établie dans les cœurs, elle donne naissance à cette miséricorde qui s'installe entre les mu'mines. Et cela n'est véritablement que pour les mu'mines. كما قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. Ce sont eux qui sont rétribués dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà de la véritable fraternité. Alors que lorsque la foi n'est pas véritablement installée, elle donne naissance à une fausse fraternité. Ils s'aiment, lakin pas pour Allah Azzawajal. Lakin lorsqu'elle est bien intégrée, al-mu'minoun, ils s'épanouissent dans cette douceur, dans cette foi-là, en s'entraidant les uns les autres, en s'aimant les uns les autres, en s'alliant les uns les autres, non pas comme la fraternité prétendue qui est bâtie sur les délices de la vie d'ici-bas. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين كما قال سبحانه وتعالى. Les bien-aimés seront au jour du jugement dernier les uns les autres ennemis. Pourquoi? Parce que cette foi n'a pas été véritablement établie dans leur cœur et se sont aimés pour une autre chose que la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Iman min fada'ilih, lorsqu'il est bien intégré, il donne la réussite et la sécurité dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, Al-lazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ceux dont qui n'auront pas perverti leur foi par l'injustice qui est le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera la sécurité et la garantie dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ils seront guidés et apaisés le jour où les cœurs seront remplis d'effroi. وَالْإِيمَانْ لَهُ فَضَائِلْ كَثِيرَةٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا وَلِمَنْ أَرَادَ التَّوَسُّعْ فِيهِ. Celui qui veut un peu plus se documenter sur cela, qui revient au kitab de مثلاً الإمام السعدي رحمه الله تعالى شجرة الإيمان. لكن أيها الإخوة الكرام, ces fadail, ces fruits, ces vertus, cette douceur que les mu'minoun y s'épanouissent mutuellement, les uns les autres, jour et nuit, n'est véritablement donnée et ils ne pourront pleinement profiter qu'après avoir eu la véritable connaissance de ce que la foi. Car comme a dit certains Arabes, « Man jahila shay'an adah » Celui qui ignore une chose, il va lui faire part d'hostilité. Il ne pourra pas en profiter véritablement de ce que comporte cette chose-là. Pourquoi? Parce que il ignore. Wallah subhanahu wa ta'ala قد ذم طائفة من العرب لبعدهم عن معرفة الحدود. Allah subhanahu wa ta'ala certes blâmé les bédouins en les qualifiant des pires critères dus à leur ignorance des préceptes religieux et de leur de leur connaissance. Comme قال جل وعلا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. Les bédouins sont plus impies et les plus hypocrites et plus à même à ignorer les préceptes, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec les connaissances, que ce soit les définitions ou autres, les normes de la religion, ils sont plus à même à ignorer les préceptes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son messager. Al-Imam ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit au sujet de ce verset dans le Fawaid, il dit « A'lamu an-nas a'lamuhum bitilka al-hudud » Les gens les plus savants sont ceux qui ont le plus de connaissances de ce qui est relatif aux préceptes et kadhalika aux normes et aux définitions. وقال هم اعدل الناس بمن قام بحدود الاخلاق والاعمال والمشروعات كما قال رحمه الله تعالى. Il dit que ces personnes-là sont les plus kadhalika loyaux, car la connaissance de ces normes lorsqu'elles sont appliquées de la manière dont il se doit, ces personnes-là ni ne se feront de l'injustice à eux-mêmes et ni kadhalika ils feront du mal aux autres. Pourquoi? Parce que ces connaissances de ce que impliquent et appellent ces préceptes-là seront véritablement établies. وَلَا ضَلَّ مَنْ ضَلَّ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَّا بِعَدَمِ مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ أَوْ عَلِمَ لَكِنْ تَجَاهَلَ مَكَانَ فِي مَصْلَحَتِهِ. Les gens ne se sont égarés dans ce chapitre qui est relatif à la foi que par l'ignorance des connaissances et des normes et des définitions que comporte la foi, ou alors il l'a connu lakin il a délaissé ce qu'implique et ce qu'appellent ces définitions-là pour une part de la vie d'ici-bas. Ceux qui s'adonnent à ce genre de pratique, délaisser la science après qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, comme قال subhanahu wa ta'ala, leur ressemblance est telle au chien. قال سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. هكذا قال سبحانه وتعالى. هذا كلام الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا. Il est dit dans ce verset, raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avons donné nos signes, c'est-à-dire nos enseignements, et puis il s'en est écarté. les a connus et ensuite les a mis derrière son dos ou bien délaissés ou les a troqués pour une vie ou plutôt pour une part de la vie d'ici-bas. Le diable donc l'entraînera dans sa suite et il devint ainsi du nombre des égarés. Si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné auparavant, mais hélas, il a préféré la vie d'ici-bas et le suivi de ses passions. Son cas est similaire au chien qui maqala subhanahu wa ta'ala. Celui qui, si jamais tu le charges, il allait, c'est-à-dire, yani ma'rouf, le souffle qu'on les chiens lorsqu'ils sortent leur langue. Ou si jamais tu le laisses, il allait, c'est-à-dire qu'il est derrière la vie d'ici-bas et il ne s'en lâche jamais, comme le fait le chien lorsqu'il tire sa langue. Tel est l'exemple de ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, racontent-leur le récit, ainsi ils réfléchiront peut-être. Donc on a à travers l'égarement des autres, dans les versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récite, un exemple afin qu'on porte réflexion, afin de se préserver du mal de certaines des personnes. On demande à Allah azza wa jal qu'il nous préserve, que ses bienfaits disparaissent après qu'il nous l'ait donné. Al-Iman, lughatan, dans le sens linguistique, كما قال الإمام الأزهري رحمه الله تعالى والإقرار بشيء عن تصديق به. الإيمان c'est le fait de, dans la langue arabe, c'est le fait d'approuver une chose par assentiment, c'est-à-dire que ta langue et ton cœur convergent vers ce que naam comporte l'essence de la chose dont, qui est rentrée dans ton cœur. Tu approuves par ton cœur et ta langue kazalika elle approuve. Amma si jamais tu approuves une chose par ton cœur et ensuite ta langue ne l'approuve pas, ça s'appelle al-juhud. Wa hadha kufr fir'aun. Wa jahadu biha wa istayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Fir'aun, ça c'était son kufr. Il savait qu'Allah subhanahu wa ta'ala méritait l'adoration, lakin sa langue n'a pas voulu prononcer l'attestation de foi, ou plutôt il l'a prononcé à un moment où ce n'était pas profitable pour lui. Et kadhalika, lorsque tu prononces par ta langue une chose et que ton cœur et vacant de cette chose-là, ça s'appelle quoi? An-nifaq. Et ça, c'est le kufr des munafiqin. Comme قال سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Pourquoi? Parce que leur bouche dit une chose qui n'est pas présente dans leur cœur. Donc, al-iman, pour revenir à la définition linguistique, c'est deux choses: al-iqrar wa kadhalika at-tasdiq. Al-Iman dans la langue arabe, il peut être employé pour différents sens. Et cela revient au contexte dans lequel sera utilisé le terme Iman. Ça, c'est important de connaître ces choses-là. Al-Iman, il peut être employé et avoir pour sens la garantie et la sécurité. Al-Arabu yaqul mathalan li wahidin yurid al-luju amantuhu. T'as même, je l'ai mis en sécurité. Amantuhu. Wa qala subhanahu wa ta'ala. Al-mu'minu al-muhaymin. Al-mu'min, c'est qui? C'est celui qui met les mu'minoun en sécurité, c'est-à-dire qui les préserve de l'effroi dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Wa qala subhanahu wa ta'ala, a'amintum man fis sama. Êtes-vous à l'abri de celui qui est dans les cieux? Êtes-vous à l'abri de son châtiment? Donc là, Allah Azza wa Jal, il a utilisé le terme a'amintu. Pourquoi? Pour le terme yani de mettre à l'abri, tamam, se préserver et l'akhirah. Ça, c'est un sens parmi, ou plutôt c'est un terme parmi les termes de l'Iman. Parmi les termes, kadhalika de l'Iman, amantu lahu, ou amantu bihi. Et ces deux termes-là, lorsqu'il est utilisé par harf al-jar, l'am ou bien le ba, c'est utilisé pourquoi? Pour approuver des choses, ou plutôt il y a des informations dont l'œil ne voit pas. Kama fi qali subhanahu wa ta'ala, wa ma anta bi mu'minin lana, wa lo kunna sadiqin. Dans la qissa des frères de Youssouf et son père. Il n'a pas fait part de crédibilité de leurs paroles et ils ont dit, même si jamais c'était le cas, tu n'aurais jamais cru, même si jamais on était véridique. Donc là, il a été utilisé quoi? Amantu lahu. Wa kadhalika amantu bihi. Amantu bihi, c'est utilisé pour les choses dont tu approuves l'information dont tu ne vois pas. Donc différence, comme l'a dit l'imam Ibn Abil'iz, alayhi rahmatullah, entre at-tasdiq wal-imanu bihi aw lahu. Lorsque tu vois une chose, ou on t'informe d'une chose que tu vois, tu ne dis pas amantu bih, amantu lah. Tu dis saddaqtuhu. J'ai pris en considération son information. Lakin, celle que tu vois. Amma mathalan, Quelqu'un te dit Al-Shams tala'a, le Shams s'est levé. Tu vas dire Amantu lahu ou bien Naam saddaqtuhu. Tu diras saddaqtuhu. Pourquoi? Parce que le Shams, c'est une chose que tu vois. Amma, si jamais c'est une information que tu ne vois pas, tu utiliseras quoi? Amantu lahu ou bien Amantu bih. Comme a dit l'imam Ibn Abd al-Aziz, alayhi rahmatullah. La différence qu'il y a entre Amantu lahu et Amantu bihi, ils disent que Amantu lahu, c'est utilisé pour Naam, approuver une personne. Amantu lahu. Je l'ai cru en parlant de lui. Et Amantu bihi dit que c'est plus utilisé pour quoi? Pour approuver l'information seule. Amantu bihi ay bima qala. J'ai cru à ce qu'il m'a dit. Mais sinon, tu peux utiliser l'un des deux termes pour l'autre. Ça, c'était du point de vue louratan. Qu'est-ce que la définition de l'imam? Qu'est-ce qui nous, ou plutôt ce qui sera le sujet d'aujourd'hui, c'est la connaissance de l'imam, la définition de l'imam shar'an, c'est-à-dire dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Iman, shar'an, il est bâti sur cinq piliers. Ala khamsati arkan. Wa ba'duhum, qalu ala khamsati nunat. Al-iqraru bil janan. Al-tasdiqu bil lisan. Amalun bil arkan. Yazudu bil ta'ati ar-Rahman. Wa yanqusu bi ta'ati shaytan. Wa qad yanqudu. Donc Al-Iman, c'est l'ensemble de ces cinq piliers-là. Pas de foi, à l'exception si jamais ces cinq piliers-là, ils sont rassemblés. L'approbation des cœurs, que ta langue et ton cœur soient en accord, que tu œuvres par tes membres et que tu aies la croyance que l'iman, la foi, l'augmente et qu'azalika, elle diminue. Donc à travers ce ta'rif, à travers cette définition-là, on peut voir que l'iman, il est bâti sur cinq piliers, comme on a pu le voir. Et ça, c'est la définition des gens de la sunna, ahlu sunnati wal jama'a, wa kama wassa ala zalika al-imam Muhammad Iman al-Jami, alayhi rahmatullah, il dit en premier lieu, ce qu'il incombe aux mu'mines, c'est de connaître la voie des mu'mines, et non pas la voie des mujrimines. C'est-à-dire, lorsque tu rentres dans l'aqidah, tu dois en premier lieu, pour bien fortifier tes bases et tes fondations, connaître les définitions et les normes et tout ce qui se rapporte à ces choses-là que tu vas étudier, selon la voie des mu'mines, et non pas la voie des mujrimines. Car lorsque tu connaîtras la voie des mu'mines, ensuite, ça sera ta balance. À laquelle, lorsqu'une choubhat, lorsqu'une parole sera contraire à elle, tu viens et tu la présentes à ta balance. Si jamais elle est semblable, tu l'acceptes. Si jamais ce n'est pas semblable, tu la rejettes. Donc il faut déjà fonder ses bases avant de commencer à regarder dans les divergences et dans les paroles des mujrimin min al-ibad. Ces cinq piliers-là, l'un d'entre eux ne valide la foi que lorsque les cinq y sont réunis. Iqrar bil janan, tasdiq bil lisan, amal bil arkan, yazid wa yanqus. Celui qui ramène ces cinq piliers-là aura amené la définition de la foi selon le kitab et la sunnah. Certains des mutaqaddimin, ceux qui nous ont précédés, ils ont défini la foi par en disant que qawlun wa amalun yazid wa yanqus. Certaines des personnes vont dire il est où l'i'tiqad? Il n'a pas été évoqué à l'i'tiqad, la croyance. Qawlun wa amal, parole et acte, qui diminue et qui augmente. Lakin kama qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, en premier lieu, telle était la définition de l'iman. Qawlun wa amal. Il dit ensuite, sont venus des ulama qui ont dit, lorsqu'on utilise ce terme-là, il se peut que d'autres personnes ne vont pas comprendre et ils vont se dire que lorsqu'on dit le qawl, on n'a pas ramené quoi à l'i'tiqad. Parce que c'est ma'ruf al-qawl, yanqasim la qismain, kadhalika al-amal, yanqasimu ila qismain. Lorsque tu dis al-qawl, c'est quoi? Qawl al-qalb wa qawl al-lisan. C'est la parole des cœurs et la parole des langues. Lorsque tu dis al-qawl, inda al-ulama al-mutaqaddimin. Et lorsque tu dis al-amal, amal al-qalb wa amal al-lisan wa amal al-jawarih. C'est l'œuvre des cœurs et l'œuvre des membres. L'œuvre des cœurs comme al-niyya, comme al-tawakkul, comme Ar-Raja et autres parmi les ibadah. Wa qawlu al-qalb, c'est quoi? C'est l'i'tiqad. Tamam, l'i'tiqad al-iqrar fi al-qalb, c'est que tu as une croyance ferme et des convictions qui sont fermes. Donc le Cheikh al-Islam nous a dit que ces personnes-là, parmi les ulama qui sont venus après eux, ils ont rajouté dans la définition qawlun wa amal wa i'tiqad, de peur que les personnes ne comprennent pas que le qawl et que dhalika al-amal, ils se divisent en deux. Donc ils ont rajouté al-i'tiqad. Ils ont rajouté al-i'tiqad. Al-imam, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il ramène une parole d'un alim al-Tusturi, alayhi rahmatullah, qui vient définir ce qu'on a pu évoquer auparavant. Lakin kama qala al-Imam Ahmad, iyyaka wal-qawl, laysa laka fihi salaf. Préserve-toi de dire une chose dont les salafs ne t'ont pas précédé. Qala rahimahullah ta'ala, al-iman qawlun wa 'amalun wa niyya wa sunnah. قال لي أن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر. Il nous dit cet imam que la foi c'est une parole, des actes, une intention et la sunna. Car il dit la foi, si jamais ce n'est qu'une parole et qu'il n'y a pas d'œuvre, c'est du kufr. La parole, c'est-à-dire dire la ilaha illallah et sans œuvrer, قال هذا الإمام هذا كفر. Et ça c'est une parole aussi que Cheikh l'Islam il approuve parce que c'est lui qui l'a ramené. قال واذا كان قولا وعمل بلا نيه فهو نفاق. Et si jamais l'iman il est défini par une parole et des actes sans intention, il dit ça c'est du nifaq. قال واذا كان قولا وعملا ونيه بلا سنه فهو بدعه. Et si jamais la foi on la définit par une parole, des actes, une intention et qu'elle n'est pas conforme à la sunna, cet iman là ou plutôt cet acte là tu vas la qualifier barakallahu fikum comme bid'a. Donc certains ils ont rajouté al-iman as-sunnah qawlun wa 'amalun wa niyyah, yani i'tiqad wa ash wa sunnah. Les adillah qui prouvent que la foi est d'un ensemble de trois: i'tiqad, qawlun wa 'amal. Amal i'tiqad fi qawlu subhanahu wa ta'ala ya ayyuha ar-rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam yu'min aw wa lam tu'min qulubuhum. Donc dans cette aya là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a informé que la foi passe par kadhalika, les cœurs. قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ. Leurs langues ont cru et non pas leurs cœurs. Donc ça montre que les cœurs ont un iman. Et le dalil qui nous prouve que al-qawl, ça fait partie de l'iman, قَالُوا subhanahu wa ta'ala, قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَقَالُوا subhanahu wa ta'ala, قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ. Et autres parmi les ayats dans lesquels Allah azza wa jal, il ordonne de dire amanna, c'est-à-dire de prononcer la foi par la bouche. Wal dalil qui nous prouve que al-amal, ça fait partie de l'iman. Qulu subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Quel est le sens de l'iman dans cette ayah? C'est la salah. Comme qala al-mufassirun. Donc ces trois versets et autres parmi les versets dans le kitab nous prouvent bien que al-i'tiqad wal-qawl wal-amal sont des choses qui sont liées al-iman. Wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul al-iman bid'un wa 70 shu'bah a'laha la ilaha illallah wa imatatu al-adha 'an at-tariq wal haya shu'batun min al-iman. An-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par Muttafaqan alayhi, il nous informe que la foi a des branches. Et ce hadith là est le meilleur dalil qui regroupe les cinq piliers de l'iman. Car dans ce hadith là, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué trois genres d'amal. Qawlu la ilaha illallah, le fait que tu dises la ilaha illallah. Donc c'est une parole. Et ça fait partie, c'est une branche parmi les branches de l'iman. Et c'est la plus haute des branches, comme on dit, a'laha. Wa imatatu al-adha 'an at-tariq, le fait d'enlever une chose qui est nuisible dans les routes. Et ça, kadhalika, ça fait partie d'un amal al-jawarih, que tes membres œuvrent. Et ça, c'est une branche de la foi. Wa qala al-haya shu'batun min al-iman. Et nous dit, al-haya, avoir la pudeur, avoir honte, ça fait partie de l'iman. C'est une branche parmi les branches de l'iman. Et la foi, plutôt, la pudeur, al-haya ma'rouf fil qalb. Donc ça nous prouve que l'iman, c'est un ensemble de trois choses. Qawlun wa amalun wa i'tiqad. Et comme a dit Nabi Sussam, a'laha, fa'idhan yazid. Fa'idha kana fi a'la, fa'huwa fi asfal. Tamam? Fa'idhan yanqus. Donc ce hadith-là, et une des meilleures preuves qui nous montre que l'iman est de cinq piliers. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qul amantu billahi thumma istaqim. Dis, j'ai cru en Allah azza wa jal, et ensuite implique-toi être droit dans ta religion. Donc qawlun i'tiqad wa 'amal, qawlun wa 'i'tiqad, qul amant, qawlun wa 'i'tiqad wa 'amal. Mimma yadul, parmi les choses qui indiquent que la foi c'est un ensemble de trois choses qui diminuent et qui augmentent, al-ijma'. L'ijma' ma'rouf, c'est une preuve parmi les preuves de l'islam. Comme a dit l'imam al-Khatib dans le Faqih wal-Mutafaqih, il dit usul al-din thalatha, al-kitab wa sunnah wa kadhalika al-ijma'. Wa qala al-imam ibn Qayyim alayhi rahmatullah, na'am, al-ilm qala Allah qala rasuluh qala as-sahabatu laysa bitamwih. Dans ce vers-là, l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous affirme que les preuves dans l'islam s'établissent sur trois choses. Le kitab d'Allah azawajal, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam et l'ijma'. Parmi les gens qui ont évoqué l'ijma', que la foi est un ensemble de trois choses, actes, paroles et convictions et croyances, l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i alayhi rahmatullah, حيث قال كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر. Dans ce أثر de l'imam Ibn Qayyim, plutôt l'imam al-Shafi'i عليه رحمة الله, il nous fait part que les Sahaba ainsi que les Tabi'in et ceux qui sont venus après eux, parmi ceux qu'il a rencontrés, l'imam Shafi'i, ils étaient tous unanimes sur le fait de dire que la foi est un ensemble comportant une parole, ou plutôt des paroles, des œuvres et une croyance. Et il nous dit « وَلَا يُجْزِي وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا بِالْآخَرِ » Et la foi ne peut être validée que par l'ensemble de ces trois éléments. Lorsque un de ces éléments manque à l'appel, la foi est invalide. Que ce soit si jamais tu ramènes le qol ou l'amal, et tu ne ramènes pas l'i'tiqad, ta foi n'est pas valide. Si jamais tu ramènes le qol, dun l'amal, ila khirihi, ta foi elle sera valide que si jamais tu ramènes ces trois choses-là. Et ça, c'est un ijma'. L'ijma' c'est un dalil, comme le kitab. C'est comme si Allah Azza wa Jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avaient cité dans le kitab ou bien dans la sunnah. Et ce ijma'-là, il a été rapporté par les grands ulama, par les mille ulama de la sunnah. L'imam al-Lakai, وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم ابن رجب ابن كثير وغيرهم من من الأئمة qui ont transmis ce إجماع génération après génération. Et parmi كذلك الأئمة qui ont évoqué l'إجماع, الإمام أحمد وكذلك الإمام ابن عبد البر وكذلك الإمام البغوي والأجري كلهم sont tous متفقون, ils ont tous ramené l'إجماع que la foi est un ensemble de trois qawlun wa amalun wa i'tiqad qui diminue et qui augmente. Wa qala al-imam al-qadi ibn 'Iyad alayhi rahmatullah ajma'u 'ala annahu la yakun mu'minan tama al-iman illa bi'i'tiqadin wa qawlin wa 'amalin wa huwa al-iman alladhi yunji ra'san min an-nar wa yahsim al-mal wad-dam. Al-imam al-qadi 'Iyad alayhi rahmatullah, il nous dit dans cette parole-là, dans ce khabar, que les mu'minoun, ils sont tous unanimes, que la véritable foi, la foi qui est parfaite et complète, est celle qui est établie sur une croyance, une parole et des actes. Il dit ça, c'est l'iman qui va te sauver dans l'enfer et qui va rendre tes biens et ton sang sacrés. Car comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa yuqimu salah wa yu'tu zakah fa idha fa'alu dhalika faqad 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Donc le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam combatte les personnes qui ne font ni salat ni zakah et qui n'ont une croyance pour Allah azza wa jalla, leur bien n'est pas préservé et kadhalika n'est pas sacré. Donc ceci nous prouve que lorsque ton bien, tes biens, ta renommée, ton sang ne sont plus sacrés, ceci nous prouve que la personne ne fait pas partie des mu'mines. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a ordonné de combattre ce genre de personnes-là. Hadhi nusus, hadhi ayat wal ahadith, ça c'est les preuves al-muhkamat qui n'ont pas d'ambiguïté. Dans chacun des mu'mines et des mu'minas, lorsqu'ils rentrent dans le bab al-iman, ils doivent s'accrocher. Car comme a dit subhanahu wa ta'ala, hunna umul kitab, sont des preuves qui n'ont aucune, qui sont explicites, qui n'ont pas d'ambiguïté, et ce sont les références du kitab, les références vers lesquelles doivent être retournées les ambiguïtés. Si jamais elles convergent avec les paroles explicites et les dalils explicites, elles sont acceptées, sinon elles sont rejetées. Donc al-mu'min, à partir du moment que l'ijma' lui est venu, à partir du moment que le kitab et la sunna lui sont venus, il doit s'accrocher à ce qu'appellent ces textes-là et ne pas détourner le regard vers d'autres choses. Ça, c'est Sabil al-Mu'min. Il s'accroche aux choses qui sont explicites. Et ensuite, il avance dans sa vie et regarde tout ce qui vient comme parole des a'immas ou autres. Il est présent à ses preuves explicites et s'y converge, alhamdoulilah ou sinon, mardoudun ala sahibiha. Et pour citer un exemple pour cela, Al-Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, pour te montrer yani, comment le mu'min il doit faire preuve de sabbat et ne pas se laisser ébranler par n'importe shubhat qui arrive. Lorsqu'il lui a été dit qu'une personne dit que l'iman c'est le asl et que l'amal c'est une chose en plus, si jamais tu le délaisses, tu seras toujours un mu'min. On peut le voir, ça fait partie du kufr, comme l'a dit l'iman al-Tustari. Hada kufrun, qawlun bila amal kufr. Il a dit, qawlun bila amal kufr. Lorsqu'il a entendu ça, ensuite ce questionnaire, il a dit, cette personne qui dit cela a pris comme argument des paroles de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, wa Ibn al-Rajab, ceci, cela, il a dit, hada kadib. Directement. Pourquoi? Parce que il a fondé sa croyance sur des preuves explicites. Tu ne peux pas venir et les changer. Les preuves sont à dire ceci et cela, si jamais c'est contraire, comme il a dit, c'est du kadib. Même s'il l'a dit, qu'il a dit. Lorsqu'ils ont dit Cheikh al-Islam, pourtant c'est des ulama à qui le mu'min y porte estime, Cheikh al-Islam il a khirihi, lorsqu'il a entendu cela, à la première écoute, il a dit hada kadib. Qala man qala hada, qala hada kadhab. Celui qui dit ça, c'est un menteur. Ensuite, il a dit, man hada, qui dit ce genre de choses-là? Ils ont dit, c'est Cheikh Rabi'. Il a dit, hada kadib. وقال أن الإيمان أصل والعمل كمال فرع. لا لا هذا باطل خالف المذهبين. هذا مذهب المرجئة. أحسن الله لك الشيخ. الله يغفر لك. يقول ونقلت عن ابن تيمية نقلت عنه 9 نصوص وابن القيم وابن رجب وعدد من أئمة الدعوة النجدية كلهم يصرحون بأن الإيمان أصل والعمل فرع. وبعض هذا كذاب. وبعضهم يقول تارة فرع وتارة كرع. آخر عبارة يا شيخ الله يجزك جنة النعيم. قالوا زعموا كذبا على السلف بأنهم جعلوا جنس العمل ركنا في تعريف الإمام. هذا كذاب. منهم هذا الشيخ واحد أحسن الله إليك اسمه ربيع المدخلي. لا هذا كذب. Cette chose là, c'est du kadib. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur des fondements naam qui vont le laisser ferme tel que une montagne. Rien ne peut l'ébranler abadan. Donc ça c'est à titre d'exemple et c'est une chose qu'on s'incite les uns les autres, c'est à bâtir nos fondements et nos préceptes dans l'islam sur des ahkam et sur des ayat et des adillah muhkama explicites. Tamam? Ça c'est une chose qu'il faut bien prendre en considération. Si jamais tu as ça avec toi, avance après. Al-Ijma' ayyuha al-ikhwatul karam, comme on a dit, c'est une preuve parmi les autres. Comme l'a évoqué l'imam Khatib, alayhi rahmatullah, كذلك ibn Qayyim. Celui qui contredit l'ijma' des mu'min, c'est très grave. Hatta qala ibn Hazm, alayhi rahmatullah, à partir du moment, si jamais l'ijma' il a été établi d'une manière claire et explicite, tamam, sur na'am, des fondements et des preuves que les mu'mini ils n'ont pas de divergence, il dit celui qui contredit l'ijma' faqad kafara billah bil-ijma'. Celui qui contredit l'ijma', un ijma' qui est véritablement établi, dont on a la certitude qu'il est établi, comme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux. Si la personne vient et contre de cet ijma'a-là, faqad kafara billah al-azim. Parce que là, il aura, na'am, certes, yani, rejeté cet ijma'a-là qui est semblable à quoi? À une ayah ou bien un hadith. Celui qui rejette un hadith ou une ayah, tamam, il fait par cela, yani, un acte de kufr. Amma si jamais l'ijma' c'est une présomption, yani, ghalabatun dhann. On a la forte, na'am, présomption que cet ijma'a-là a été établi. Et ça fait partie des choses par lesquelles tu appliques l'ijma'. L'ijma', il vient de deux voies. Soit tu es sûr, ou soit tu n'es pas sûr, lakin, tu as une forte présomption que cet ijma'-là, il a été quoi? Il a été établi. Ça ne fait pas partie du kufr. Lakin, ça c'est mukhalafati sabil al-mu'minin. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Celui qui fait scission avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam après que les preuves lui sont parvenues et qu'il ne suit pas la voie des mu'mines, on le laisse comme il a délaissé nos preuves et on le cramera, ou plutôt on le brûlera en enfer. Et quelle mauvaise destination. Al-Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, de cette ayah-là, il a déduit que le fait de suivre les mu'mines, ça c'est un dalil qui prouve que al-ijma' c'est une preuve dans na'am dans le din. Wa kama qala. وقال سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ. Si jamais ils croient, si jamais ils ont conviction aux choses dont vous avez conviction, c'est-à-dire ils parlaient aux sahaba, l'ijma' des sahaba, ces personnes-là qui auront la même conviction que les sahaba sur l'ijma' des sahaba, et ce seront, ils auront plutôt emprunté la voie qui vont les guider, et si jamais ce n'est pas le cas, فَإِنَّمَا فِيهُمْ فِي شِقَاقٍ. Ils sont dans l'égarement. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ. Ma communauté ne se réunit pas sur un égarement. وَقَدْ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ بِتَوْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ. Si jamais les mu'minoun sont unanimes sur une chose et qu'ils voient que ces choses allaient bien, c'est qu'elle est bien auprès d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Parce que l'unanimité de la communauté ne se réunit pas sur un égarement. حَتَّى قَالَ الشَّيْخ رَبِيعُ بِنَفْسِهِ dans son kitab Fatawa Sheikh Rabi' de deux mujallad, de deux volumes, قال إذا ثبت أن الصحابة أجمعوا على مسألة فلا يجوز أن تأتي برأي آخر وهو هذا خرق للإجماع ومخالفة لكتاب والسنة ومشاقة للرسول وللمؤمنين واتباع لغير سبيل المؤمنين فلا يجوز. الشيخ ربيع بنفسه. Et ça, c'est une chose que personne ne peut rejeter. Il a dit, celui, lorsque l'ijma' des sahaba, comme c'est le cas de l'Iman, comme l'a rapporté l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il a dit, as-sahaba wa tabi'un, et ceux qui les ont suivis parmi les gens que j'ai pu rencontrer sont tous unanimes que l'Iman, c'est qawl wa amal wa niyya. Donc, as-sahaba, ils étaient unanimes, comme l'a rapporté l'imam Shafi'i, alayhi rahmatullah, sur le fait que la foi, qawl wa amal wa i'tiqad. Il dit, Cheikh Rabi'a, lorsque les sahaba sont unanimes sur une chose, dans un sujet bien précis, tu n'as pas le droit, toi, après eux, après que la science t'est parvenue que ces sahaba, ils ont été unanimes sur une chose, que tu viennes avec un point de vue ou une idéologie qui est contraire à ce que ce sont les sahaba dessus, car si jamais tu fais cela, tu auras contredit le kitab, la sunna, et tu auras contredit كذلك la voix des mu'min, comme a dit subhanahu wa ta'ala, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Celui qui ne suit pas la voix de mu'min, نُوَلِّهِ مَتَوَلَّهِ. On va le délaisser, c'est-à-dire qu'il va te voir shaitan et ça, شَتِفْ أَمْ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ. Et on le brûlera en enfer, وَسَأْتْ مَصِيَرَ. Telle est la récompense et le rétribut de ceux qui délaissent l'argument des, ou plutôt l'ijma' des sahaba après qu'ils soient venus. Donc ça, c'est pas un amusement. Lorsque les sahaba ils disent une chose, ils sont unanimes sur une chose, intabih, la tal'ab, ne joue pas. Car là, je suis en train de rejeter une chose qui est semblable et qui est dans l'authenticité telle que le kitab et la sunnah. Tout ça pour vous nous dire, et ça c'est ma'rouf, inshallah, indakum, après cette muqaddima, à partir du moment qu'on sait, il faut se prémunir. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith rapporté par Hudhayfa ibn Yaman, qu'il va avoir des prêcheurs aux portes de l'enfer, qui parleront comme vous parlerez. قال الله, قال الرسول, قال ابن باز, قال ابن رجب, قال فلان. Il va utiliser des ulama qu'on a, les mêmes ulama. Lakin, les intentions ne sont pas les mêmes. À divers, ces personnes-là, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui vont appeler vers les portes de l'enfer. Donc il faut se prémunir. Et se prémunir, ça passe par la connaissance de la religion, et surtout pour des sujets qui sont relatifs à quoi? À la croyance, à l'aqida. Car ça ne joue pas. Si jamais tu te loupes, peut-être que tu vas faire partie des mécréants et des perdants dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Al-Sheikh Rabi' wa nas'alullah yusaddidah wa yuwaffiqah na'am wa yusaddidahu fil qawl wal amal wa yarudduhu ila rujdihi. Dernièrement, il nous a fait part d'un point de vue dans des sujets qui sont les plus connus auprès de ceux qui ont étudié des livres comme Aqidatul Tahawiyyah ou autres parmi les livres de l'islam qui propagent la Aqidah Sahiha. Ils se sont tous étonnés de cette parole-là, de la parole qu'a pu avoir Cheikh Rabi' dans ce sujet-là, qui est wadih que Shams, qui est aussi clair que Shams, dont aucun des musulmans yakhtalif fi dhalika. Wa la yajuz lahu an yakhtalif li anna al-ijma' qa'im. Car le ijma' a été établi. Cheikh Rabi' il a évoqué une parole qui est un peu semblable à celle des murji'ah. On ne dit pas qu'il est murji ou ceci, cela, lakin sa parole a des fortes ressemblances avec celle des murji'ah. Al-murji'ah, c'est une ta'ifa, ou plutôt on va parler des fuqaha min al-murji'ah, parce qu'ils se divisent en plusieurs parties, mais ce n'est pas le but de la conférence. Ces personnes-là, ils ont pour conviction de dire que la foi est un ensemble de paroles et d'actes. C'est tout. Bas. Yazid, la. Yankous, la. Fi amal, ce n'est pas nécessaire. قول واعتقاد. تعتقد الشهادة et tu dis لا إله إلا الله. Et si jamais tu ne fais pas d'œuvre, inshallah tu rentreras au paradis. Et ça on a pu le voir, c'est il manque une condition ou plutôt un pilier, c'est quoi? Al-amal kadhalika yazid wa yanqus. Cheikh Rabi' waffaqahu Allah ta'ala, il a une parole qui est semblable à ces personnes-là ou plutôt qui aboutit au même aboutissement que murjatul fuqaha. C'est-à-dire qu'il a évoqué dans certains polycopiés, dans certaines de ses paroles qui sont musajjala, tamam, enregistrées, que celui qui délaisse la totalité des œuvres, c'est-à-dire les œuvres apparentes, en dehors des œuvres intérieures, il rencontrera Allah Azzawajal s'il le rencontrera parmi les pécheurs, lakin, il aboutira après cela au paradis. Et il a dit aussi kadhalika une parole, ou plutôt même c'est un écrit, un polycopier, al-iman aslun wal-amal far. Al-iman, c'est la base, et l'amal, c'est une chose à part qui vient quoi par faire cette foi. Si jamais tu la délaisses, ça va diminuer ta foi, lakin ça va pas l'annuler. Est-ce que ça c'est sahih? Abadan. Ce qu'on a pu voir à travers la parole de ce ulama, que celui qui délaisse un des piliers de la foi, sa foi ne sera pas acceptée comme قال l'imam Shafi'i, et ça c'est un ijma' des sahaba. Ijma' as-sahaba. Al-Sheikh waffaqahu Allah, en évoquant cette aqida, il a certes mis ses pieds dans des choses qui sont très dangereuses pour lui. Car comme on a dit, ça c'est la aqida d'Ahlus Sunnati wal Jama'a, et ça c'est un asl sur lequel est fondée la aqida d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et c'est ma'rouf, comme قال l'imam Shatibi, wa kadhalika d'autres parmi les ulama, lorsque tu khalaf un asl, un fondement parmi les fondements de la sunna, parmi lesquels ont été unanimes les gens de la sunna, tu sors de la sunna. Tu sors de la sunna, on n'est pas en train de juger, on est juste en train d'expliquer. Amma rad, la réfutation à la parole de Cheikh Rabi', ou plutôt à ce qu'a abouti sa parole, car il dit dans une parole qui est enregistrée, il dit, voyez pas que le hadith al-shafa'a, le hadith de l'intercession, dans lequel il dit à la fin, lam ya'mal khayran qat, Allah Azza wa Jalla va intercéder pour des personnes qui n'ont jamais œuvré. Il dit, c'est pas un dalil clair, net et précis que celui qui délaisse, qui rencontrera Allah Azza wa Jalla en ayant délaissé les œuvres, à partir du moment que la foi a été établie dans son cœur, qu'il va rentrer au Jannah. Il a dit ça clairement dans une parole qui est enregistrée, Moussad Jalla, dans laquelle, Inch'Allah, on mettra la parole et on fera un montage pour que les gens s'assurent de la véracité de nos propos. الذي عنده ادنى ادنى ادنى مثقال ذره من ايمان ايش عمله؟ هذا الحديث واضح كالشمس انه ما عنده عمل. لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. حديث واضح صريح ان ما عندهم عمل. حديث واضح صريح ان ما عندهم عمل، عندهم توحيد. يتجاهلون هذا. يتجاهلون فضل لا اله الا الله وفضل التوحيد والاخلاص فيه. كذلك الشيخ الى بريد les arguments qu'on va évoquer, Inch'Allah, un par un. On nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana. Donc, sabr, Inch'Allah, azza wa jal. Ce qui réfute cette parole-là, si jamais on a bien compris la définition de l'iman, ça te suffit amplement pour réfuter la parole de Cheikh Rabi' et tastarih. Et ensuite, tu te reposes. Qala Allah, azza wa jal, qala al-rasoul, qala al-sahaba. Ijma' al-sahaba, ils sont tous unanimes que la foi, elle implique à ce que tu œuvres. Labud, c'est obligé. Donc la personne qui vient et te dit tu peux rentrer au paradis sans œuvre, mais si jamais au préalable tu vas rentrer en enfer, pour t'expier de ces péchés-là, cette parole-là tu peux juger et peux même jurer par Allah Azzawajal que cette parole-là c'est du batil. Comme a dit Cheikh Al-Fawzan, hada kadhib. C'est du mensonge. Pourquoi? Parce que les sahaba sont tous unanimes et leur parole c'est celle qui est mise en avant et non pas le point de vue des autres. Comme l'a dit Cheikh Rabi' nafsuhu. Si les sahaba ils sont unanimes sur une chose, t'as pas ramené un point de vue. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Un point de vue est ramené après qu'il y a un ijma'. Les adillah qui prouvent que la parole de Cheikh Rabi' est fausse, le kitab. On va évoquer un par un. Qalu subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wa amilu salihat, innal ladhina amanu wa amilu salihat. Celui qui lit le Coran, il lit page par page, il verra que Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'ensemble, de lorsqu'il évoque l'iman, il évoque كذلك ايش العمل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الى اخره حتى قال الامام الجر رحمه الله تعالى اعلموا رحمنا الله واياكم اني قد تصفحت القران فوجدته فيه ما ذكرت في 56 موضعا من كتاب الله ان الله سبحانه وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنه بالايمان وحده بل أدخلهم الجنة برحمته إياه وبما وافقهم له من الإيمان والعمل الصالح. قال: وهذا رد على من قال الإيمان المعرفة، ورد على من قال المعرفة والقول وإن لم يعمل، نعوذ بالله من قائل هذا. الإمام الأجري صاحب الشريعة إمام parmi les imams de la sunna, il dit: j'ai pu lire le Coran du début à la fin et j'ai trouvé dans plus de 56 endroits qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais fait rentrer un mu'min dans le paradis que par la simple croyance, c'est-à-dire par la croyance des cœurs, sans qu'il œuvre. Il dit: j'ai pu documenter le Coran du début à la fin dans 56 endroits. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais fait rentrer un mu'min, lorsqu'il évoque dans son kitab, par la simple foi, lakin, par sa miséricorde, et ce qu'il leur a donné comme réussite pour que ces personnes-là œuvrent pieusement. Et il dit cette chose-là, c'est-à-dire de savoir qu'Allah azawajal ne fait rentrer les mu'mines que par l'iman et l'amal et l'i'tiqad. Il dit: ceci est une réfutation pour ceux qui disent que la foi est une simple connaissance, comme ils disent al-Jahmiya. Il te suffit que tu connaisses Allah azawajal. Même si jamais tu ne dis pas la ilaha illallah, même si jamais, jamais de la vie tu pries, jamais de la vie tu fais zakat, tu fais pas le hajj, tu fais pas siyam, tu fais aucune œuvre, ils disent que tu rentreras au Jannah. Et ça, c'est du kufr. Bilijma'a kama qala, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Hatta shaytan, il a plus de foi que le Jahmiya. Pourquoi? Parce que shaytan, il a la conviction qu'Allah Azza wa Jal, c'est son Seigneur, et il l'a dit, il a prononcé. Tamam? Qala Rabbi bima aghwaytani. Tamam? Il a reconnu qu'Allah Azza wa Jal, c'est son Seigneur. Donc ceux qui disent ça, comme l'a dit l'imam al-Jurri, ça c'est une réfutation contre ces personnes-là. Et il dit qu'à dhalika, le fait qu'Allah Azza wa Jalla a fait rentrer les mu'mines par leur croyance et l'i'tiqad et leur amal, tamam, les œuvres, il dit ceci, qu'à dhalika, c'est une réfutation pour ceux qui disent que l'iman, c'est le ma'rifat wal qawl. L'iman, c'est une connaissance, c'est une conviction, et c'est le fait de prononcer, sans œuvrer. Il dit ça, c'est qu'à dhalika, une réfutation pour ces personnes-là, qui est ma'ruf, c'est fuqaha, ou plutôt murjiatul fuqaha, ceux qui disent que tu peux rentrer au Jannah en ayant une conviction, une croyance, et en ayant dit la ilallah, en ayant fait du dhikr, en ayant lu le Coran, lakin, si jamais tu n'as pas œuvré avec la amal al-jawarih, ils disent que ça, na'am, ça veut, tu rentreras au paradis. Et ça, c'est, comme l'a dit l'imam al-Jurri, na'oudhu billahi min qa'il hadha. On demande au refuge auprès d'Allah azawajal contre les personnes qui disent ce genre de choses-là. Donc, on prend le refuge auprès d'Allah azawajal contre kadhalika. La parole de Cheikh Rabi Akkar, elle aboutit à cela. Et même, il a dit cela. Il n'a pas expliqué ou bien on a déduit de sa parole-là. Lakin, ça a été dit clairement. Parce qu'il dit, Al-Iman Aslun, c'est la base. Si jamais, tu l'as pas, tu n'as pas de foi. Ou Al-Amalun Far, c'est une branche. Si jamais tu l'as fait, ça va te parfaire ta foi. Si jamais tu délaisses l'amal, eh ben quoi, ta foi sera diminuée, lakin, elle ne sera pas invalide. Donc tu pourras entrer au Jannah selon sa prétention. Comme a dit l'imam Najurri, on demande le refuge auprès d'Allah Azzawajal contre ceux qui disent que tu peux rentrer au Jannah sans avoir fait aucune œuvre. Ça, c'est une parole de l'imam al-Jurri fi Sharia. Kadhalika, parmi les choses qui refutent, na'am, et avant cela, Allah subhanahu wa ta'ala qad qala fi kitabihi fa intabu wa aqamu salah wa atawu zakah fa ikhwanukum fi din. Si jamais ils font tawbah du kufr, c'est-à-dire qu'ils reviennent à l'unicité et font accomplir la salat et acquittent la zakah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce sont vos frères dans la religion. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, ce hadith, plutôt cette ayah-là, est une preuve claire et nette que celui qui délaisse la prière et qui ne s'acquitte pas de la zakat, c'est un kafir. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, si jamais ils font ceci et cela, ce sont vos frères dans la religion. Donc, par compréhension inverse, ceux qui ne font pas ça, comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ce ne sont pas nos frères dans la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a sorti innamal mu'minuna ikhwa. Les véritables frères ou bien les frères sont seulement les croyants. Le kafir, c'est pas ton frère, même si jamais c'est ton frère de sang. C'est pas ton frère dans la religion. Donc kadhalika, celui qui délaisse la zakah et qui plutôt na'am, qui n'acquitte pas la zakah et qui ne fait pas la salah, kadhalika, c'est pas quoi? C'est pas un mu'min. Donc comment on peut prétendre après cela, après cette ayah là qui est wadiha kash-shams, comment on peut dire et prétendre que celui qui aura la foi et aura prononcé la foi, même si jamais la peut œuvrer, il rentrera au Jannah. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il a simplement jugé de ceux qui ont délaissé la salat et la zakat, c'est que ce sont des kafirs. Donc ça khalif al-kitab. Wa kadhalika, ça khalif al-sunnah. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit comme le hadith al-muttafaqan alayhi, ذَلِكَ لِأَنَّ الْجَنَّةِ لَيَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ مُؤْمِنَةٌ. Il nous dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Jannah ne rentrera au Jannah que ceux qui sont croyants. Et le hadith est muttafaqun alayhi. Donc ceci nous prouve, si jamais on a bien compris la définition de la foi, lorsqu'il dit il ne rentrera au paradis que les croyants, c'est qui ceux qui ont une conviction, ceux qui ont eu naham al-qol et kazalika qui ont œuvré. Ça c'est le mu'min. Et en dehors de cela, si une des trois piliers n'est pas présent, c'est pas un mu'min. Comme a dit l'imam al-Tustari et kazalika, al-ijma' est qaim 'ala zalika. Al-ijma' est qaim 'ala zalika. Et a dit l'imam al-Auza'i, alayhi rahmatullah, la tastaqim al-iman illa bil-qol, wa la yastaqim al-iman والقول إلا بالعمل ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة كان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل العمل من الإيمان والإيمان من العمل ce أثر là a été rapporté par Ibn Battah. Dans ce أثر là l'imam Al-Auza'i عليه رحمة الله le grand imam de Sham nous dit dans ce hadith dans ce أثر là que la foi et la parole ne peuvent être valides sans les œuvres, et que la foi, la parole et les œuvres ne peuvent être conformes et acceptées auprès d'Allah Azzawajal que s'ils sont conformes à la sunna. Et disent-elles étaient sur ce qu'a été les salafs avant nous, jamais ne faisaient de différence entre quoi? La foi et les œuvres. Ils disaient que la foi fait partie des œuvres et les œuvres font partie de la foi. Donc ça c'est kadhalika, une parole de l'imam Al-Auza'i qui fait partie des imams des salafs qui nous montre bien que les amals, ils font partie de la foi, et la foi de l'un d'entre nous ne sera invalide que si jamais il œuvre. وكذلك مما يرد على شيخ الإجماع, comme on a pu l'évoquer, حتى شيخ بنفسه, شيخ الربيع, il dit t'as pas le droit de contredire l'إجماع si jamais il a été rapporté par Sahaba. L'imam Shafi'i rapporte que les Sahaba, ils sont unanimes que la foi est établie sur trois choses. شيخ الربيع, il dit que celui qui délaisse les œuvres totalement, qui n'œuvre jamais dans sa vie, il peut rentrer au paradis si jamais il a la foi et na'am, il a prononcé la foi. C'est la même parole que murjiatul fuqaha, c'est la même chose, ça aboutit à la même chose, même si jamais l'expression a le différencie. Les gens peuvent se dire, comment Cheikh peut avoir cette parole-là alors qu'il est l'ijma'? Qu'est-ce qu'il a trouvé d'autre à faire au faqahullah que de réfuter et de rejeter cet ijma'? Il a dit que l'ijma' qui a été rapporté par l'imam Shafi'i, il n'est pas établi. وما ثبت اشهد دليل يا شيخ الاجماع qu'ils ont prétendu qui disent que Shafi'i a dit ceci et cela, il n'est pas présent dans les livres, dans les rapporteurs de ce ijma là ils ont évoqué, car ce cheikh plutôt Shafi'i, il a évoqué cet ijma là dans son kitab al-Umm. Si jamais tu retournes vers le Umm, tu vas pas trouver cet ijma là lakin ce ijma là il a été rapporté par qui? Des personnes de confiance, al-Lakai, qu'un imam parmi les imams de la sunna, al-Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, un imam parmi les imams de la sunna, Ibn Rajab, imam parmi les imams de la sunna, Ibn Kathir, imam parmi les imams de la sunna. Donc ces personnes-là, si jamais ils viennent et nous rapportent cette chose qu'a dit l'imam Shafi'i dans le kitab al-Umm, c'est pas à nous après de juger, de dire que naam, le fait qu'on ne trouve pas, bon, c'est-à-dire qu'il n'a pas été dit. Naam, ça peut être les copies qu'on a aujourd'hui de l'Umm, même si jamais il n'est pas évoqué l'imam de l'ijma' de l'imam Shafi'i, naam, c'est ma'rouf, yani certains des kutub dans l'islam, ils ont été perdus. Ça veut dire que ces personnes-là qui ont dit que l'imam Shafi'i l'a dit, c'est du kitab al-Umm qu'ils l'ont pris. Mais c'est ma'rouf, hatta les élèves de l'imam Shafi'i, ils prenaient le kitab de l'imam Shafi'i et ils les notaient. C'est comme ça que ces livres et ces ouvrages, ils sont venus et ils nous ont été transmis. Chacun de ces élèves, lorsque ils voulaient prendre la science de l'imam Shafi'i, ils notaient. Donc, il s'est possible que la nusra qui nous est venue, elle n'est pas dans l'intégralité. Là, qu'il ne fait que ces imams-là, et que ces imams de confiance, il nous dit cela, on ne doit pas rejeter la parole de ces personnes-là. Mais ça, c'est ma'rouf. La parole du thiqa, tu ne dois pas la rejeter. قال الله سبحانه وتعالى فإن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا. Lorsque la personne pervers connue pour le mal vient avec une information, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit rejette-la. Il a dit assure-toi que c'est vrai. Donc, l'imam Sa'd, il a dit, donc celui qui est connu par les critères de confiance, et que quelqu'un qui est crédible et la khirihi, lorsqu'il te ramène une information, tu la prends. Et ça, c'est ma'rouf, khabar al-thiqat, la yurad. Lorsqu'une personne qui est qualifiée des critères de la confiance, tu ne peux pas rejeter comme ceci sa parole sans preuve. Tu ne peux pas rejeter sa parole sans preuve. Et là, c'est le cas. Comment on peut rejeter la parole de ces imams-là? Ceci aboutit à dire que ces imams-là ne sont pas des fiqhs. Pourquoi on les rejette? L'imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et ceci, comme l'a dit Sheikh Abu Yusuf, plutôt Abu Hatim Yusuf al-Jizairi, ça va ouvrir des portes à ce que tu vas rejeter les ijma' de tout le monde. pas une personne qui va venir avec un ijma' sans que toi tu vas dire non, c'est pas présent dans ce kitab là, donc je prends pas. Mais là t'es en train de réfuter et de rejeter la parole de personnes qui sont thiqat. Et ça c'est la yajouz. Donc celui qui ramène un khabar et qui est thiqa, tu dois prendre sa parole. Donc ça veut dire que ces personnes-là ne sont plus de confiance. Ils ne sont plus de crédibilité auprès de nous. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. On est une hasanat parmi les hasanat de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Laoula Allah, thumma Cheikh l'Islam. Peut-être on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Donc comment maintenant on récompense et en gratitude de ces efforts de ces imams-là, on rejette la parole parce qu'elle n'est pas conforme à ce que nos cœurs et nos poitrines comportent. La yajouz. Et qu'à les cas, ce genre de choses-là, c'est pas une chose qui est inconnue chez Cheikh Rabi', malheureusement. Car qu'à les cas pour l'ijma' de Ibn Umar, lorsqu'Ibn Umar a rapporté que ça faisait partie de la bid'a de faire le premier adhan pour le Jum'a, il a rejeté ceci. Alors que l'athar lui-même, avant, il avait authentifié. Et personne n'a affaibli ce athar-là auparavant. Lakin, lorsqu'il a voulu mettre en avant, on ne va pas dire ses passions, mais lakin, ce que son cœur a voulu, il a totalement rejeté et ignoré les préceptes sur lesquels se bâtissent la science du hadith. N'importe quel toulab qui a étudié al-bahith al-hadith, il va voir que la parole de Shir, elle n'est vraiment pas acceptable. Kazalika, il a rejeté l'ijma' la parole de Abdullah ibn Shaqiq, dans laquelle il dit que les sahaba, ils étaient tous unanimes, qu'ils ne voyaient pas une mécréance lorsque tu disais ces neuf tels que la salah. Il est venu la rejeter. Pourquoi? Parce que sa croyance actuelle et nouvelle, qui est de dire que le mu'min, même si jamais il délaisse toutes les œuvres, à partir du moment qu'il a la foi et qu'il prononce la foi, il va rentrer au Jannah. Donc quand il a vu que ce hadith-là, plutôt ce ijma'-là, il n'allait pas en sa faveur, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a rejeté. Donc ce n'est pas une chose qui est nouvelle, c'est une chose. نتعجب منه نتعجب من فعل شيخ الربيع وفقه الله لكل خير. Lakin si jamais il n'accepte pas l'imam, ou plutôt l'ijma' de l'imam al-Shafi'i, et alors qu'il est bien établi, qu'est-ce qu'il fait de l'ijma' de l'imam al-Humaydi, alayhi rahmatullah, qui est présent dans le kitab de Naam al-Khalal, fi sunnah. Faqad qala al-imam al-Humaydi, qui est un des chiikhs de al-Bukhari, قال فقد أخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعله من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مستدبرا للقبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. فقال هذا هو الكفر الصراح خلاف الكتاب والسنة وفعل المسلمين. Donc là c'est un ijma'. Lorsque l'imam al-Humaydi, il a été questionné au sujet d'une personne qui délaisse la salat, qui délaisse la zaka, qui délaisse le siyam, qui délaisse le hajj, qui fait rien de tout cela, il prie ou qui prie dans une autre direction de la qibla, il fait tout cela jusqu'à ce qu'il meure sans renier une de ces choses-là, et il dit, est-ce que ces personnes-là, na'am et mu'min, il a dit ça, c'est la pure mécréance. Il dit ça, c'est la pure mécréance qui est contraire au kitab, la sunna et na'am aux œuvres des musulmans. Le fait qu'il dit fi'l al-muslim, ça encore mieux. C'est pas l'ijma' de ulama, c'est l'ijma' de muslim. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un muslim qui est quoi? Qui a un doute sur cela. Et hatta yani, nata'ajjab min dhalika. Ka hatta Cheikh al-Rabi' waffaqahullah, dans un de ses polycopiers, nommé Jins al-Amal, lorsqu'on lui a établi un exemple qui est tel à l'exemple que je viens de vous citer, il a dit, ana la ataraddad fi takfir mitla hadha. Wa la adhun anna muslim yataraddad fi kufri hadha, fi takfir hadha. Lorsqu'on lui a dit, est-il possible qu'une personne ait la foi et prononce al-shahada, et ensuite il délaisse toutes les œuvres, mustahabbat, il délaisse toutes les œuvres, al-na'am, al-wajibat, toutes les œuvres, il délaisse toutes les œuvres, tamam, et meurt, et ensuite il rencontre Allah Azzawajal, et il est mu'min, et il a dit, j'ai pas l'ombre d'un doute sur la mécréance de ces personnes-là, et je ne pense pas qu'il y a un musulman qui diverge sur cela. Comme l'a dit, la même parole que l'imam al-Humaydi. Et aujourd'hui, tu le vois quoi? Na'am, se contredire lui-même. وَقَدْ قَالَ حُذَيْفَةُ مِنْ الْيَمَنِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ إِنَّ الضَّلَالَ حَقَّ الضَّلَالَ أَنْ تَعْرِفْ مَا كُنْتَ تُنْكِرْ وَتُنْكِرْ مَا كُنْتَ تَعْرِفْ. Le pur et le véritable égarement, c'est que tu refutes ce que tu connaissais et que, na'am, tu approuves les choses que tu rejetais. Et ça nous prouve que cette parole-là mène à l'égarement. Que Cheikh en prenant cette parole-là, il est en train de lui-même nous montrer qu'il est en train d'emprunter la voie de l'égarement. وَقَدْ قَالَ كَذَلِكَ حُذَيْفَ ابْنُ الْيَمَنِ إِذَا كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَعْرِفَ هَلْ أَصَابَكَ شَيْئًا مِنَ الْهَوَى فَانْظُرْ فِيمَا كُنْتَ تَعْرِفَ هَلْ كُنْتَ الآن تُنْكِرُهَا أَوْ الأشياء التي كنت تنكرها هل الآن تعرفها. Il dit, si jamais tu veux savoir, est-ce que est rentrée dans ton cœur la passion, regarde les choses que tu connaissais au préalable. Est-ce qu'elles sont devenues pour toi méconnaissables? Ou les choses qui étaient pour toi méconnaissables, est-ce qu'elles sont devenues pour toi connaissables? Si c'est le cas, sache que ton cœur a été touché par la passion. L'imam al-Nafi'a, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des grands tabi'i, kadhalika, lorsqu'on lui a exposé ce même genre de situation, il a dit quoi? قال هذا هو الكافر. Celui qui dit ça, c'est un kafir. Et ça a été rapporté par le fils de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala et كذلك اللكاي و الخلال. كذلك ابن عيينة سفيان ابن عيينة عليه رحمة الله qui est venu avant l'imam Shafi'i كذلك نافع. Lorsqu'on lui a dit la même chose que les exemples que je peux vous citer, il a dit من ترك الفرائض متعمدا من غير جهل لا عذر له فهو كافر أو هو كفر. Celui qui délaisse volontairement toutes les obligations sans les ignorer, il dit il n'a pas d'excuse et ça c'est la mécréance. Donc ces paroles de ulama, ces paroles de a'imma, de imam qui est comme al-Nafi', al-Humaydi ou Ibn Uyayna, qu'ils ont vécu avant, et c'est le cas plutôt de al-Nafi' ou Ibn Uyayna, qu'ils ont vécu avant l'imam al-Shafi'i, ceci nous prouve et appuie la véracité de son ijma'. Et on ne connaît aucun des personnes qui sont venues avant Shafi'i avoir une parole qui est semblable à la parole actuelle de Cheikh Rabi'. نسأل الله عز وجل أن يرده إلى سواء السبيل. كذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله. Lorsqu'on lui a évoqué, on lui a transmis la parole de l'Humaydi, dans laquelle j'ai pu vous citer auparavant, dans laquelle il dit, celui qui fait ça, ça c'est la pure mécréance. C'est contraire au kitab, à la sunna et aux actes des musulmans. Lorsqu'il a entendu ça, il a dit Naham. الإمام محمد رحمه الله تعالى الذي نعم قال من قال هذا فهو كفر بالله ورد على الله وأمره وعلى رسوله وما جاء به. Rapporté par l'imam al-Khalal. الإمام محمد رحمه الله تعالى lorsqu'il a été lui a été cité ce genre de situation là, il a dit ça c'est la mécréance, la mécréance à Allah عز وجل, et c'est refuter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre et ce que نعم le prophète صلى الله عليه وسلم il est venu. Donc ceci nous prouve bien Barakallahu fikum, que cette parole-là n'est pas connue des salafs. Comme a dit Cheikh Al-Fawzan, c'est du mensonge. Et tu t'étonnes de l'audace que peut avoir Cheikh. Parce que les gens, ils étudient, alhamdoulilah. Les gens, les tullab, ils cherchent. Et ils essayent de connaître la vérité en demandant à Allah Azzawajal qu'il leur facilite de connaître la vérité. Donc ils recherchent. C'est pas parce que tu es devenu une personne dont tu es montré du doigt qu'on va accepter tout ce que tu dis. On va rechercher, surtout si jamais tu dis des choses qui sont contraires aux bases qu'on a pu apprendre dans le Numa'at al-A'tiqad, dans le Wasatiyah, dans des kitabs que Hatta Shir, l'imam il a, n'a pas enseigné. Donc lorsque tu recherches, tu t'aperçois que, et tu t'étonnes que Shir, il ait pu, après cela, prendre une parole ambiguë de l'imam Ahmed, alayhi rahmatullah, dans laquelle tu peux comprendre peut-être que celui qui n'œuvre pas rentrera au paradis. Tu t'arrêtes à ta'adjab puisqu'il a une parole qui est claire, nette et précise. Et l'imam al-Shatibi, alayhi rahmatullah, قال التمسك بأقوال العلماء المحتملة وترك الأقوال الواضحة شأن من يتبع من الأدلة ما تشابه منه. Celui qui prend les paroles des ulama qui sont équivoques, tu peux les interpréter comme ceci et comme cela, dans lequel il y a une probabilité, et que tu délaisses leur parole qui est واضحة, qui est explicite, comme la parole de l'imam Ahmed. Celui qui fait ça, c'est de la mécréance, il a dit. Comment on peut après dire que l'imam Ahmed, il a une parole autre que celle-là? Il dit, celui qui fait cela, ils sont semblables à ceux qui suivent les ambiguïtés, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a évoqué. إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَهُمُ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ فَاحْذَرْهُمْ. Si vous voyez les gens suivre les ambiguïtés parmi les preuves, sachez que ce sont les personnes dont Allah subhanahu wa ta'ala a nommé, donc prenez garde de cette personne-là, de ces personnes-là. Et l'imam al-Shatibi kadhalika, il dit fitnatu kull maftun dans le bilma'na, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve par ces versets équivoques qu'ils ont des probabilités, ceux qui ont un penchant vers quoi? Vers le suivi des passions. Sinon, alhamdulillah, comme Allah subhanahu wa ta'ala, hunna umul kitab, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. Il a descendu sur toi des versets qui sont explicites et ce sont la référence du kitab vers lequel tu dois revenir, vers lequel c'est ta balance par lequel tu présentes les autres aqwa, les autres a'mal. Si jamais sont semblables, alhamdoulilah, sinon c'est rejeté. Et Allah Azza wa Jal, كما قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. Par son kitab, il égare et guide. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا. La parole de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, en plus qu'elle soit ambiguë, Zid ala hadha ajoute à cela qu'elle ne prouve en rien de ce que veut argumenter al-Sheikh Rabi'. Waffaqahu Allah. Dans une de ses paroles, il dit à l'imam Ahmed, la yakhruj al-mar'u min al-islam illa ash-shirk billah al-'azim aw yarud faridatan min al-fara'id jahidan fa in tarakaha takasulan aw tahawunan kana fi mashiyatillah. Dans cette parole, l'imam Ahmed dit le musulman ne sort de l'islam que par al-shirk billah al-'azim. Ou si jamais il rejette une obligation parmi les obligations du dîn, s'il fait cela, jahidan bidhalika, il dit c'est un kafir. Amma si jamais il délaisse par paresse certaines de ses obligations, il dit il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut le châtie ou bien s'il veut, naham, il ne le châtie pas. Est-ce qu'il y a à travers la parole de l'imam Ahmed, est-ce qu'on peut déduire de la parole de l'imam Ahmed lorsqu'il dit celui qui délaisse les obligations naham, avec paresse, est-ce qu'on peut déduire que c'est la parole à converge, elle va dans le même sens que celle de Sheikh Rabi' la nouvelle, c'est-à-dire que celui qui délaisse toutes les œuvres, il peut rentrer au paradis? Abadan. Celui qui délaisse, il a dit « Tekasulan wa tahawunan » par paresse et négligence. Ça c'est ma'ruf hatta. Il y en a celui qui revient dans Majmou' al-Fatawa, Cheikh al-Islam, il a des paroles semblables. « Qala rahimahullahu ta'ala fi qawli subhanahu wa ta'ala waylul lil musallin fa waylul lil musallin » Malheur à ceux qui prient. Il dit c'est celui qui a de la négligence dans ses obligations ou bien qui fait sortir la salat de ses heures. « Wa kadhalika qala rahimahullahu ta'ala » Al-Mutahawinin, il dit c'est ceux dont tu vois, il délaisse la prière de temps en temps, il a fait, de temps en temps il a délaisse, de temps en temps il a fait. Il dit c'est ça le Mutahawin, c'est celui qui n'observe pas les heures de la prière et qui a la négligence dans son acquittement. Il a jamais dit, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qu'Al-Mutahawin, c'est celui qui délaisse tout à fait, il y en a totalement les œuvres. C'est celui qui fait et c'est celui qui délaisse. Ceci nous prouve qu'il a la foi, parce qu'il fait. Amma celui qui ne fait pas, où est sa foi? Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala fi inna fil jasad mudghatan idha salaha salaha al-jasad kulluh wa idha fasada fasada al-jasad kulluh ala huwa al-qalb. N'a-t-il pas dans le cœur une partie de chair qui lorsqu'elle sera assainie, le corps entier sera assaini, et lorsqu'elle sera pervertie, le corps entier il sera perverti. Donc ceci nous prouve vraiment que cette parole là n'a rien à voir et elle ne converge pas avec celle de Cheikh Rabi', la nouvelle dans laquelle il dit celui qui délaisse les œuvres totalement, il pourra rentrer au paradis. Abadan. La yadul ala zalika tamaman. Il a dit, c'est celui qui laisse. Yani tahawulan wa takasulan. C'est-à-dire, il délaisse et il fait. Il délaisse et il fait. Et kadalika, une autre parole. Une autre parole, parmi les paroles de Cheikh l'imam Ahmed. Et il te suffit de prendre, comme l'a dit l'imam Shatibi, la parole qui est claire de l'imam Ahmed, dans laquelle il dit, celui qui délaisse ces choses-là, qui délaisse les œuvres, c'est un kafir. Il a dit, ça c'est du kufr. Il a dit, ça c'est du kufr. كذلك لا parole de al-Barbahari dans laquelle elle est semblable à celle de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dans laquelle Cheikh Rabi' il argumente et il veut prendre comme argument cette parole là pour dire que regardez, il n'y a pas que moi qui dis ça. Al-Barbahari, l'imam parmi les imams de la sunnah, il dit la même parole que moi, dans laquelle كذلك tu ne peux aucunement déduire ce qu'a déduit Cheikh. Et ça c'est كذلك le fait de suivre les paroles ambiguës et de délaisser les paroles qui sont claires et nettes. Dans cette parole-là, il est dit d'Al-Barbahari, il dit « La yakhruju ar-rajul min al-islam hatta yarud ayatan min kitabillah aw yarud shay'an min athar rasulillah aw yusalli li ghayri illah aw yadhbah li ghayri illah fa idha fa'ala dhalika aw idha fa'ala shay'an min dhalika faqad wajaba 'alayka an tukhrijahu min al-islam wa man lam na'am wa man lam yaf'al dhalika fa huwa mu'min muslimun bil-islam muslimun bil-islam. À travers cette parole-là, il nous dit la personne, le musulman ne sort de l'islam que si jamais il rejette un verset, ou bien un hadith, ou alors qu'il prie pour un autre qu'Allah Azza wa Jal, qu'il égorge et qu'il sacrifie pour un autre qu'Allah Azza wa Jal. Celui qui fait cela, sa foi sera annulée, et il te dit que tu es obligé de sortir de l'islam. Il dit, amma, celui qui ne fait pas ces choses-là, c'est-à-dire qui ne fait pas cette mécréance qu'il a citée par le fait que tu pries pour un autre qu'Allah, que tu égorges pour un autre qu'Allah, il dit que ça fera de toi un mu'min. Est-ce que cette parole-là est juste? Al-Imam al-Barbahari, il a été questionné sur une chose, il a répondu par des exemples. Il n'a jamais voulu dire que la mécréance a ce résultat et a repos sur ces choses-là. C'est-à-dire que si jamais on prend la parole de l'imam al-Barbahari, on peut dire qu'avec celui qui insulte Allah Azzawajal, c'est un mu'min. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cité celui qui insulte Allah Azzawajal. Celui qui insulte le prophète. Et l'akhirihi, il n'avait pas évoqué toutes les choses de la foi. Il a juste, plutôt de la mécréance, il a voulu venir évoquer certaines choses par lesquelles, si jamais tu les fais, tu le sors de l'islam. Si jamais tu ne les fais pas, tu es un musulman. En aucun cas, il a voulu dire que si jamais tu délaisses ces choses-là, tu es un musulman. Abadan, man qala hada. Et si jamais une personne vient et dit, mais ces choses-là sont ma'rouf, le fait d'insulter Allah, le fait d'insulter le prophète, le fait de tuer un prophète, ça c'est des choses bilijmer que la personne devient quoi? Un kafir. On dit kazalika bilijmer. Celui qui délaisse l'amal, c'est un kafir qui m'a qala, na'am, l'imam, al-Shafi'i, alayhi rahmatullah. Donc on répond comme ils vont nous répondre. Et kazalika, il a pris des paroles ambiguës de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qu'on va même pas évoquer et qu'on va se contenter de la parole de Sheikh al-Fawzan lorsqu'il a entendu que Sheikh al-Islam il prétend que celui qui délaisse les œuvres rencontrera Allah Azzawajal et rentrera au paradis, il a dit hada kadhib, qala hada kadhab, c'est un menteur, c'est du mensonge. Naam, car Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il voit que la personne qui délaisse la prière totalement, c'est un kafir. Donc comment il peut dire que celui qui délaisse toutes les œuvres, il va rentrer au paradis? La salat, même si jamais tu as fait zakat, tu as fait naam as-siyam et l'akhiri, Sheikh al-Islam il voit que tu es un kafir. Donc comment on peut dire que il voit que celui qui délaisse toutes les œuvres, il rentrera au paradis? Kazalik Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, comme je vous ai fait part dans le verset, fa in tabu wa qamu salat wa ata'u zakat fa ikhwanukum fid din, il voit que celui qui délaisse la zakat et qui délaisse as-salat, c'est kazalik un kafir. Donc comment on peut dire que Sheikh al-Islam il voit cette parole-là? Sheikh al-Islam il a une parole dans laquelle il dit que la foi et les œuvres sont liées, sont couplées, telles que il y en a des choses qui sont inséparables. Il dit al-amal min lawazim al-iman, elles sont inséparables. Donc comment on peut dire que après cela que tu peux rentrer au paradis sans faire d'œuvre? Al-Sheikh al-Islam binafsihi yaqul fi majmu' al-fatawa alayhi rahmatullah qala al-iman tam bidun shay'in min al-amal al-zahir mumtani'un sawa'an ja'alna al-a'mal min al-lawazim aw min al-ajza'. Il dit Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, c'est inconcevable et c'est impossible de pouvoir penser, seulement penser, qu'une personne peut avoir la foi totale, elle a la foi, alors qu'elle délaisse toutes les œuvres. Il dit ça, c'est une chose qui est inimaginable, c'est impossible. Car si jamais tu as la foi, ça va donner naissance à des œuvres. N'est-il pas dans le cœur, ou plutôt dans le corps, une partie de chair qui, lorsque sera assainie, elle va assainir les membres de ton corps? Donc comment on peut dire qu'après cela, que Sheikh al-Islam il voit que l'iman c'est l'asl et que l'amal c'est le farah? Ça c'est du kadib comme a dit Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Hatta Sheikh binafsihi, Sheikh Rabi' dans son livre Aqidatu Salaf, après avoir évoqué la parole de l'imam al-Auza'i, de l'imam Malik ou Sa'id ibn Abdul Aziz, lorsqu'ils ont dit la iman illa bi amal, pas de foi sans œuvre. Pas de foi sans œuvre. Le Cheikh Rabi', il a dit na'am dans son kitab Ma'rouf. Il a dit la iman illa bi'amal. Pas de foi sans œuvre. Donc, à quoi est justifiée cette contradiction? Comment Cheikh maintenant se contredit? Et ça, c'est la pire des choses. C'est-à-dire que tu te réfutes toi-même. Tu te réfutes toi-même. Wa qad qala Cheikh Muqbil alayhi rahmatullah, inna al-hizbiyyin yatanaqaduna tanaqudan fahisha. Il dit le hizbiyyin, parmi les alama des hizbiyyin, tu les vois se contredire d'une manière qui est flagrante et qui est élaborable. Kazalika, le Cheikh al-Islam dit awwal maqam al-fasad at-tanaqud. La première étape de perversion, c'est que tu te contredis toi-même. Et na'udhu billahi min thalik. On a pu voir l'athar de Hudhayfa alayhi rahmatullah qui dit que la contradiction, c'est un signe de l'égarement et un signe que ton cœur est malade et qu'il est meftoun. Kazalika, il a pris des hadiths et des adillah dans lesquels il est dit lam ya'mal khayran qat, et ça c'est ma'rouf. Tamam, on peut que pouvoir interpréter ce genre de hadith lam ya'mal khayran qat, il n'a jamais œuvré. Pourquoi? Parce que le kitab et la sunna ne se contredit pas. Comme on a pu le voir dans plus de 56 endroits du Kitab, Allah Azzawajal, il a accouplé la foi avec les œuvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, nul ne rentrera au paradis à part les croyants. Et l'ijma, elle est établie. Donc comment on peut, après cela, penser que ce hadith-là, tamam, va prendre le pas sur un ijma? C'est pas possible. Donc on est obligé de quoi? On est obligé d'interpréter ce hadith-là. Et il a été certes interprété par des grands imams de la sunnah. Comme c'est le cas d'Ibn Khuzaymah rahimahullah ta'ala. Lorsqu'il dit, lam ya'mal khayran qat, il dit ça, c'est une chose qui est utilisée chez les Arabes. Ils peuvent utiliser un terme de manière générale, en vérité, ils ne veulent qu'une partie. Lorsqu'il dit lam ya'mal khayran qat, c'est-à-dire il a été connu pour cela. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais œuvré. Lakin, c'est ma'rouf que cette personne-là, tellement elle a fait du mal, que c'est comme si jamais elle n'avait jamais fait du bien. Est-ce qu'il a jamais fait du bien? Non. Lakin, c'est mimbab al-aghlabiyya. Tamam, son mal, il a pris le dessus sur son bien et ça lui a valu l'appellation qu'on lui dise ou plutôt qu'on le qualifie qu'il n'a jamais œuvré. Wakadhalika, bizalika qala al-imam Ibn Abd al-Barr, alayhi rahmatullah, hatta il a pris un dalil pour cela lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de Naam, d'un des compagnons, lam ka au makana yada al-asa an atiqi. Lorsqu'il a parlé d'un de ses compagnons qui voulait se marier avec une autre femme, il a déconseillé à cette femme-là, qui est Fatima ibn Qais, le hadith est muttafaqan alayh. Il a dit, je ne te conseille pas cette personne-là, car son bâton est toujours sur son épaule. C'est-à-dire, comme l'a dit Ibn Abd al-Barr, c'est que cette personne-là est connue pour taper. Tamam, est connue pour taper. Lakin, il a dit, est-ce que ça veut dire que tout le temps son bâton, jour et nuit, lorsqu'il dort, lorsqu'il va se doucher, il a khidhi, il est toujours sur son épaule? Non. Ça, c'est pour nous montrer que cette personne-là, elle était connue pour taper beaucoup les femmes. Elle était connue pour taper beaucoup les femmes. Et non pas pour toujours les taper, ou bien que son bâton était toujours sur l'épaule. Donc il utilise un terme qui est global, qui a prévalu sur la majorité de sa situation. Ça ne veut pas dire qu'il le fait tout le temps. Et hatta kazalika, d'autres imams, comme Ibn Abu Ubaid, ils ont évoqué ce genre de ta'wil. Et prenons la parole d'Allah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la personne qui a tué 100 personnes. Tamam. Lorsqu'il est mort, il a voulu faire tawba de ses assassinats. Lorsqu'il est mort, l'ange de Malaikat al-Rahma, de la miséricorde, il a dit Ja ta'iban bi qalbihi lillah azza wa jal. Et l'ange de la mort, il a voulu le prendre, il a dit Lam ya'mal khayran qat. Il n'a jamais bien œuvré. Et ensuite, ils ont polémiqué sur cela. Ala kulli hal, ceci nous prouve que cette personne-là, lorsqu'il a dit l'ange de la mort, il n'a jamais bien œuvré, il n'a jamais œuvré, est-ce que c'est la réalité? Non. C'est qu'il a tellement fait du mal que ça a prévalu sur sa situation. Sinon, il a fait tawba. Et tawba, c'est une œuvre. Et une œuvre, ni même parmi les meilleures œuvres. Et ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais œuvré. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais œuvré. Lakin, il utilise un terme qui est global, qui a prévalu sur la majorité de sa situation. Et kadhalik al-hadith, pour celui qui était venu, qui avait peur de rencontrer Allah Azzawajal et qui le châtie, il a enjoint à ses enfants qu'Allah subhanahu qu'il les brûle, afin qu'Allah Azzawajal, il ne peut le juger. Avant que il leur dit cela, il a dit à ses enfants, « Ayu abin kuntu lakum ?»« Quel père étais-je pour vous ?» Ses enfants, ils ont dit, « Khayr al-ab »« Faqala amma ana falam a'mal khayran qat » »« Quant à moi, je n'ai jamais bien œuvré. » Lorsqu'il dit, « Qui étais-je pour vous ?» Ils ont dit, « Tu étais un bon père. » Le bon père, c'est qui? C'est celui qui fait des cadeaux pour ses fils. Yannis, c'est celui qui œuvre. Donc, lorsqu'il dit, « Lam a'mal khayran qat », en gros, j'ai été connu pour le mal. Ça ne veut pas dire qu'il a jamais œuvré. C'est ça qu'il faut comprendre par rapport à ce hadith-là. Et d'autres preuves, kadhalika, pour celui qui faisait, il avait parmi les mérites, c'est qu'il donnait aidait les personnes avec les dettes. Lorsqu'il a rencontré Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, as-tu déjà bien œuvré? Hal amilta khayran qat? Faqala la, abadan lam a'mal khayran qat. Alors que cette personne-là, c'était ma'rouf, elle avait de l'aisance dans les daïns, et ça, c'est des bonnes œuvres. Ça, c'est des bonnes œuvres. Kadhalika, la personne qui avait trouvé une branche dans la route, lorsqu'il l'a rencontré, il l'a repoussé pour pas que ça nuit aux musulmans. Lorsqu'il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Hal amilta khayran qat? Il a dit la, lam a'mal khayran qat. Et ça, c'est un khayr. Hatta, c'est un sabab parmi les asbab, une cause parmi les causes qui fait rentrer le musulman au Jannah. Donc, ce qui est voulu lorsqu'on dit lam ya'mal khayran qat, c'est pas qu'il a jamais fait une œuvre. Lakin, c'est que c'est connu pour cette personne-là qu'il est connu pour le mal. Il est connu pour le mal. Donc, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas qu'à dalika une preuve pour Shir Rabi' lorsqu'il dit, il prend ce hadith-là pour dire regardez, le hadith n'est-il pas clair et net que certains vont rentrer au paradis sans avoir œuvré? On leur dit non, on lui dit non, car l'ijma' il est établi, et ce hadith là que tu es en train de prendre, il est équivoque, il est ambigu, tu peux l'interpréter, et même il a été interprété par des imams, et la sunna l'interprète. Donc on délaisse cette chose là et on reste sur la fermeté, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, hunna umul kitab, on reste sur les choses qui ne sont pas équivoques. Et kadalika, pour finir, il a pris des hadiths qui sont globales, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit man shahida an la ilaha illallah wa lam yushrik bihi shay'an dakhala al-jannah, celui qui aura testé et qui ne m'aura pas associé et rentrera au jannah. Kadalika, ça sont des preuves qui nous prouvent le mérite du tawhid, et non en aucun cas que si jamais la personne a la test de l'attestation de foi et qu'elle n'œuvre jamais, elle va rentrer au paradis. Car ceci vient en contradiction avec quoi? De nombreuses preuves. Et kadalika par l'ijma' et hatta Shir lui-même, Rabi' avant, disait que c'est impossible. Il dit la ataradda fi takfiri. La personne qui délaisse les œuvres, qui n'a juste dit la ilaha illallah et l'a jamais redit après ça là, il dit j'ai pas un doute que c'est un kafir, et je n'ai pas de doute qu'un musulman, il juge de cette personne-là qu'il est quoi? Qu'il est musulman. Donc, malakum kayf tahkumun. Hatta qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ceux qui prennent pour argument les hadiths du mérite du tawhid, il dit ça, il est en train d'avoir la même conduite que les murji'ah. Les murji'ah, ils prennent ce même genre de hadith pour argumenter l'égarement dans lequel ils sont. Donc, la yafarah al-mu'min an yastadil bi mithl ma istadalla yani ahl al-batil. Il ne faut pas que la personne soit réjouie de prendre pour argument les arguments qui ont été établis par lesquels argumentent les gens de la bid'a, comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et pour finir, inshallah, natawasa bi at-taqwa et de talab al-ilm, et surtout auprès des gens de la sunna, surtout pour prendre les choses qui sont importantes comme al-aqida, car vous voyez comme c'est dangereux. Des gens qui étaient pointés du doigt, dans lesquels on avait une grande espérance, sont maintenant les personnes qu'ils appellent à l'inverse de ce qu'ils appelaient auparavant. Fanas Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqa Sheikh Rabi' li rujou' ila ma kana fihi hamilan li liwa al-jahl wa ta'dil kama kana. On demande à Allah azza wa jalla qu'il facilite Sheikh Rabi' pour qu'il revienne sur les égarements sur lesquels il est, car il est en train d'égarer des musulmans, des frères qui témoignent au Maroc, disent que maintenant cette parole-là, elle est propagée. Une personne parle à un musulman et te dit normalement que celui qui délaisse les œuvres, il peut rentrer au paradis. Min ayna hadha al-qawl? Mata hadha al-qawl? Avant, on n'a jamais entendu cette parole-là se propager auprès de ceux qui s'attribuent à la salafia. Et maintenant, voilà que certains jeunes, sans le savoir, sont en train de répéter bêtement la aqida des murji'a. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana li kulli khair وأن يجنبنا من كل شر بارك الله فيكم على الحضور والعفو من الإطالة لكن comme vous avez pu le voir et encore on a fait un résumé c'est Cheikh Rabi' et نعم il y a beaucoup d'ambiguïté et beaucoup de fausses déductions donc il fallait d'une certaine manière s'étendre sur le sujet afin de montrer inshallah le vrai de la vérité on demande à Allah عز وجل qu'il accepte cette œuvre là وفيكم بارك الله مع التحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء إثعابي.